Chapitre 9e. Au repas du soir, le croquis de Clément défraya la conversation. Jean de la Louvière, auquel Colette, triomphante, avait montré le portrait crayonné à la fontaine aux charmes, fut flatté dans son orgueil paternel et ne ménagea pas ses éloges à l'artiste. « Je n'ai jamais été, dit-il, qu'un médiocre dessinateur, mais j'ai appris du moins à apprécier le talent des gens du métier. Ce portrait de Colette est largement et sobrement exécuté, avec une habile simplicité qui étonne chez un débutant. Décidément, mon camarade, je commence à croire que vous avez une vocation sérieuse et qu'il serait dommage de mettre la lumière sous le boisseau. Cet après-midi, tout en signant ma correspondance, j'ai réfléchi à la façon dont je pourrais donner à chacun de vous un bon coup d'épaule. Je suis votre unique parent et vous m'êtes de plus très sympathique. Mon devoir est donc de vous aider et voici à boule vue ce que j'ai à vous proposer. D'abord, il importe de réunir à Juvigny le conseil de famille qui doit vous émanciper. Je me charge de veiller à la composition de ce conseil, dont le sieur Goupillard sera écarté et où j'obtiendrai d'être votre curateur. Je vais m'occuper sans retard, et dès que nous en aurons fini avec les formalités légales, nous expédierons Clément à Paris, où il se préparera à entrer à l'école des Beaux-Arts. Nous lui servirons une pension annuelle de 1800 francs. Avec ce subside, il aura 3 ans de sécurité pour piocher ferme et arriver à se suffire par son travail. Quant à vous, Edme, je vous offre un emploi à la verrerie. Vous trouvez chez nous la pâtée et la niche, et vous toucherez 100 francs par mois. C'est modeste, mais je suis convaincu que vous deviendrez vite un auxiliaire utile et, naturellement, vos appointements augmenteront en raison des services rendus. Cela vous va-t-il ? Je ne pouvais désirer rien qui me fût plus agréable, répondit Edme très touché. Je vous suis profondément reconnaissant de vos bontés. Et vous, l'artiste ? Demanda le maître Verrier en se tournant vers Clément. Acceptez-vous ? « De tout mon cœur, s'écria le cadet, et je vous promets de travailler d'arrache-pied afin que vous n'ayez pas à vous repentir de votre bienveillance. À merveille. Vous êtes tous deux de braves garçons, sérieux et pratiques, et je vous en félicite. Voyez-vous, dans la vie, il ne faut compter que sur son propre travail pour arriver à la fortune. Cela vaut mieux que de tabler sur des éventualités dans le genre de l'or de Chèvrechêne. « Alors, mon cousin, objecta Clément, vous persistez à croire que le trésor est une fable ? Ah ah ! Repartit en riant Jean de la Louvière. « Vous y revenez, pêcheur endurci, mon Dieu. Je ne mets pas en doute les allégations de la tante Charmette. Seulement, je suis persuadé que la recherche du fameux trésor ne vous apportera qu'une déconvenue et que vous y perdrez votre temps ainsi que vos illusions. » Pourtant, insista le cadet, en invoquant d'un suppliant coup d'œil l'assistance de Colette, « Je voudrais en avoir le cœur net. Nous sommes tout près du Chanois. Rien ne nous empêcherait de nous assurer si la cachette existe et si elle contient encore quelques-uns des objets déposés. « Puis-je donner mon avis ? » demanda Mademoiselle de la Louvière, émue par la muette déprécation de son compagnon de promenade. « Comment donc ? » acquiesça le verrier. « Tes conseils sont toujours sensés, et nous aurions tort de nous en priver. Parle, fillette. »« Eh bien, déclara la jeune fille, mon avis est que mon cousin Clément a raison de vouloir tirer la chose au clair. Je ne crois pas beaucoup au trésor. Néanmoins, il me semble qu'il serait imprudent de négliger les dernières recommandations de la tante. Ce qu'elle raconte dans son projet de testament me paraît très vraisemblable. Avant de partir pour l'exil, le conventionnel a dû enfouir quelque part les objets précieux et les papiers importants qu'il était difficile d'emmener avec lui. Si, comme on en a accusé notre aïeul, il a eu le tort de s'approprier des lettres et des bijoux trouvés aux Tuileries, et si, comme l'affirme la tante Charmette, ces objets ont été cachés dans les friches de Chèvrechêne, je pense que nous avons intérêt à rechercher s'ils y existent encore, ne serait-ce que par égard pour la mémoire de l'ex-conventionnel, et afin de ne pas laisser tomber entre les mains d'un étranger mal intentionné de l'argent mal acquis et des paperasses compromettantes. « Hé hé !» observa le verrier, enchanté de la sagacité de sa fille. « La petite a du flair, et son raisonnement ne manque pas de justesse. » « Oui, » poursuivit Colette en s'animant, « plus je songe à cette mystérieuse histoire de la cachette, plus je m'explique la conduite de Mademoiselle Charmette. De son vivant, elle ne se souciait pas de fouiller la friche de Chèvrechêne parce qu'elle redoutait d'y découvrir quelque secret peu profitable au bon renom de son idole. Mais elle désirait qu'après sa mort, ce secret ne fût connu que de ses neveux. C'est pourquoi elle leur enjoignit de rechercher et de s'emparer des objets enfouis par le grand-père Courouvre. Je suis donc d'avis de respecter les volontés de la tante et pour l'honneur de la famille d'éclaircir une bonne fois cette affaire de trésor. Qu'il y ait eu, dit à son tour M. de la Louvière, des valeurs enfouies à Chèvrechêne par le vieux Courouvre, c'est possible. mais qu'elle repose encore aujourd'hui intacte au fond de la cachette, voilà ce dont je doute. Remarquez qu'en 1805, déjà la rumeur publique accusait le conventionnel de détournement commis aux Tuileries, et que, dès après sa chute en Belgique, la légende d'un trésor caché commençait à se former dans le pays. Pour qui connaît les convoitises humaines, il y a 100 à parier contre un que quelque curieux s'est chargé de vérifier dans l'intervalle si la légende était fondée ou non. Néanmoins, puisqu'un doute subsiste, Colette a raison, et il faut en avoir le cœur net. Je ne vois donc aucun inconvénient à ce que nos cousins aillent à Chèvrechêne et se rendent compte de l'état des choses. « Fort bien, » répliqua Edme, qui jusque-là était resté silencieux. « Mais, mon cousin, nous ne pouvons rien sans votre aide. Nous devrons opérer à l'insu des gens du pays, c'est-à-dire nuitamment. En outre, il nous faudra des outils pour fouiller le sol, et sans votre concours, je ne vois pas comment nous nous en tirerons. » Jean de la Louvière hocha la tête et demeura un instant pensif, puis reprit. « Voici comment vous procéderez. Demain, au petit jour, mon bog vous conduira jusqu'à Ypécourt, d'où vous gagnerez à pied souillé dans la matinée. Là, vous prendrez gîte à l'auberge de la Pomme d'Or, où je descends d'habitude. Après le déjeuner, vous gagnerez le Chanois, qui est distant d'une demi-lieue à peine. Je vais vous donner une lettre pour mon fondeur de moule, nommé Hennequin, qui habite précisément une ancienne dépendance de Chèvrechêne. Le but apparent de votre voyage sera de vous concerter avec lui au sujet d'une fourniture de moules à bouteille. Vous profiterez de votre visite pour examiner la friche dans laquelle, d'après le plan de Charmette, le trésor aurait été enfoui. Vous ferez adroitement causer le bonhomme Hennequin. Lorsque les renseignements recueillis et l'étude attentive du terrain vous auront donné la conviction que rien n'a été changé à la disposition des lieux, vous m'enverrez de Souilly une dépêche qui contiendra ce seul mot « Venez ». Et au reçu de laquelle j'irai vous rejoindre à la Pomme d'Or avec ma voiture où j'aurai placé les outils nécessaires. Ceci étant bien entendu, souhaitez le bonsoir à votre cousine et allez dormir, car il vous faudra demain être debout dès le fin matin. » Le lendemain, en effet, ce fut lui qui réveilla les deux frères et les accompagna dans la cour où un petit cheval tarbet, attelé à la voiture légère, piaffait sur le gravier. Jean de la Louvière remit à ses cousins la lettre d'introduction écrite pour le fondeur de moules. Après quoi, l'attelage fila vivement le long de la route forestière qui coupe en biais les bois de Beaulieu et de Lavoie. Bientôt, au sortir des taillis plus clairs, Edme et Clément virent se creuser au-dessous d'eux la souriante vallée où l'air, argentée et frétillante, serpentait parmi la prairie entre de gros villages très rapprochés. Fleury, Autrécourt, Lavoie, Raricourt, tous nimbés de fuyantes fumées bleues, tous dressant dans la buée matinale leurs toits roses, leurs tuileries, leurs moulins, et le dôme trapu de leurs clochers d'ardoise. Vers 8 heures, le cocher déposa les jeunes gens à l'entrée d'Ypécourt et leur souhaita bon voyage. Ce hameau, au perché au-dessus de la Couzanne, n'était séparé que par 6 kilomètres de Souilly, le chef-lieu du canton. Ils rendossèrent leurs sacs et suivirent lentement la route que les contreforts boisés du mont d'Auch baignaient encore d'une ombre fraîche. À mesure que le but du voyage devenait plus proche, il cheminait plus taciturne. « Tu ne dis rien, mon grand, » murmurait enfin Clément, désireux de rompre le silence. « Regrettes-tu d'avoir quitté Futau ? » ?»« Ma foi, à te parler franchement, je me demande si nous n'allons pas au-devant d'un échec, et si je n'aurais pas mieux fait de commencer tout de suite mon apprentissage à la verrerie. « Bon, que risquons-nous ? » Au premier signal, le cousin La Louvière nous prêtera main forte, et avant 2 jours, nous saurons à quoi nous en tenir. Si nous revenons bredouilles, tu auras la consolation de vivre sous le même toit que notre charmante cousine. Oh, répliqua l'aîné en haussant les épaules, j'aurai autre chose à faire que d'admirer les beaux yeux de mademoiselle Colette. Moi, vois-tu, courtiser les demoiselles, ce n'est pas ma partie. Je n'ai rien pour leur plaire, et je n'aime pas à perdre mon temps. Notre cousine, d'ailleurs, a deviné tout de suite que je n'étais pas du bois dont on fabrique les amoureux, et c'est pour toi qu'elle réserve ses aimables attentions. Pour moi ? Balbutia le cadet en rougissant. Parfaitement, mon apôtre, cela saute aux yeux. C'est à toi qu'elle adresse ses plus gracieux sourires, et c'est uniquement pour te faire plaisir qu'elle a décidé son père à nous aider dans cette douteuse entreprise de Chèvrechêne. Clément se récriait et protestait par modestie, mais il se défendait mollement et il ne fallait pas être grand clerc pour s'apercevoir que les suppositions d'Edme lui chatouillaient doucement le cœur. Ainsi, devisant et discutant, ils avaient atteint la grande rue de Souilly, bordée de maisons bourgeoises et de logis de cultivateurs. Encore quelques pas, et ils pénétraient dans la spacieuse cuisine de l'auberge de la Pomme d'Or, où ils commandaient leur déjeuner. On ne les fit pas trop attendre. Après s'être sommairement et lestement restaurés, ils se mirent en devoir de gagner le Chanois par un chemin de traverse que leur indiqua l'aubergiste. Au bout d'un quart d'heure, arrivait la corne des bois de Souilly. Ils distinguèrent entre deux versants boisés les blanches maisons du Chanois, ramassées dans la verdure comme des œufs au fond d'un nid. Un ruisseau courait au long de l'unique rue du village, et sur le versant opposé, l'église encapuchonnée d'un clocher trapu dominait les logis adossés à des vergers en pente. « Nous y voici, » soupira Clément. « Dans quelques minutes, nous touchons à Chèvrechêne. Tu vas encore me taxer d'esprit romanesque, mais tout de même, le cœur me bat à l'idée de me trouver dans l'ancien domaine de notre tante Charmette. « Écoute, » répondit Edme, d'une voix un peu étranglée, « n'aie point de fausse honte, bien que je ne sois guère sentimental. Je t'avoue que je me sens aussi ému que toi. »